Bonjour à toi, cher auditeur de CISM. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolène Ruet jusqu'à 4h. Critique de Crowd, le nom le dit. Je critique les foules. Je critique, mais je t'aime beaucoup, Crowd. Et en général, j'en ressors toujours grandie et meilleure et épanouie et heureuse. Et ce sera le cas avec Trap Them, parce que, aïe, aïe, aïe, la beauté de la musique brutale vient toujours m'animer. Et cette fois-ci, c'est un spectacle que j'attendais depuis longtemps, Trap Them, au Turbo House, vendredi dernier. Premièrement, parce que je n'ai toujours pas fait de critique de Crowd au Turbo House. Alors, ce sera le temps d'en jaser. Et aussi, Trap Them, c'est la deuxième fois que je les vois en spectacle. Oui, oui, cher habitué de l'émission et de la station. Peut-être te rappelles-tu de ma critique du Obscene Extreme Festival. Je suis nostalgique et je récupère du contenu. Je te rejase du Obscene Extreme. Et oui, des attentes que ça a créées pour ce spectacle-ci de Trap Them. Il faut aussi quand même mentionner que Ryan McKenney, il s'en est passé des affaires dans sa vie. Ça, c'est le chanteur, puis ouais, il y a quelque chose. Fait que ça va être une émission, oui, tout à fait belle, avec Hashtag, que je n'ai pas vu en spectacle, mais je vais en jaser pareil, Dark Circle, Yoshta et Trap Them. Je vais le dire 1000 fois durant l'émission. Sur ce, étant donné que ce sera dans certaines décibels qui, des fois, titillent certaines oreilles, j'ai décidé de vous commencer l'émission en douceur avec une chanson que j'ai écoutée en loop la semaine dernière, Gold Storm, une merveilleuse chanson de Juste Robert de son album Des Autoportraits. Elle portait des jupes un peu trop courtes et des talons un peu trop, et avec le sourire, je lui racontais ma vie, je lui dessinais des autoportraits noirs sur blanc, le rouge orangé de ses cigarettes, le bleu et le vert. Des chansons en anglais. I'll kiss you deep and warm. Your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Robert sur les ondes de la marge avec la chanson Golden Storm de son album Des Autoportraits. Vous écoutez Critique de Crowd. Et ben ça fait semi pas si longtemps que ça que j'anime à CISM. C'est tellement relatif. Il y a des animateurs qui sont là depuis 20 ans. Ils sont là comme depuis toujours finalement. Il y en a d'autres, c'est leur première saison où ils vont durer que quelques années. Ça aura été joyeux, mais quelque peu éphémère. Dans mon cas, 4 ans, ben, ça laisse assez de place pour, des fois, effectivement, revoir des groupes que j'ai critiqués. Parce que ça va du simple fait. Là, j'ai l'air de semi-l'assumer, là. Ben oui, je vais voir des groupes, généralement, que j'aime. Et c'est peut-être aussi, c'est peut-être aussi pour ça. Et oui, que les critiques sont relativement bonnes, puisque quand on aime un groupe, il y a déjà comme une partie de gagner. Musicalement, je vais en profiter. Si la crowd est plate, ben c'est sûr que c'est décevant là, pour moi, mais autrement, j'aurais quand même passé une bonne soirée. Et justement, avoir déjà vu Trap Dem au Obscene Extreme Festival, je savais à quoi m'attendre. Et si j'avais été curieuse des internets, de toute façon, j'aurais été déjà à savoir que c'est toute une prestation qu'offre le groupe. Pour tous ceux et celles qui ne m'écoutaient pas l'année dernière, ben écoute, je te récapitule ça va être le fun. Le Obscene Extreme Festival, ça existe en République tchèque, mais il fonctionne avec parfois des prestations sur différents continents. Je pense qu'ils ont fait pas mal le tour de la Terre, mais en Amérique, ou du moins à Montréal, il n'y aura eu qu'une seule édition du Obscene Extreme, et c'était effectivement en août dernier, principalement au Théâtre TELUS, qui maintenant, le temps passe, s'appelle le Théâtre Berry. Et déjà, j'ai toujours trouvé le choix de salle particulier, parce que à titre de déception, peut-être qu'ils s'attendaient à plus de monde, fac le Théâtre TELUS, il avait l'air un peu vide. Il est drôlement froid, ça. Certains diront industriel. Non, non, moi, je trouve qu'il est fret. Il est fret, je trouve qu'il manque d'âme. Ah! Non, mais écoute, il manque un peu de cachet. Et en plus, c'est comme un sous-sol. Souvent, on monte dans une salle de spectacle où, là, non, tu descends, tu vas dans ce sol. Et c'est vraiment creux. Et c'est très, très, très noir, même s'il peut avoir de l'éclairage. Je trouve que c'est une des salles les plus sombres qu'on a. Et en même temps, le festival commençait assez de bonne heure, comme début d'après-midi, puis ça allait à tard le soir. Fait que... C'est, à chaque fois que je ressortais, tu sais, prendre des petites pauses, là, oui, il y avait beaucoup d'entraques, beaucoup de groupes, et comme la relation avec le soleil était plus la même, je suis aveuglée! On sentait toutes comme des vampires. Je sais pas à quel point ça a changé ma perception et de la crowd et de l'événement, mais là-dessus, j'ai trouvé que c'était, quelque chose pour les gens qui sont des grands, grands amateurs de musique extrême, musique, grindcore, dans le cas du Obscene Extreme, parce que justement, c'était très, très long. Mais parmi cette programmation-là où j'avais fait de nombreuses découvertes, il y avait Trap Dem que j'avais toujours pas vu en spectacle. Et leur album, je pense, ça faisait pas si longtemps que ça non plus qu'il était sorti. Et j'avoue que je fonctionne souvent avec qu'est-ce qui se passe relativement bientôt à Montréal. Mais il me semble que cet événement-là, je l'ai su 6 mois à l'avance. Puis il était comme sur mon calendrier. 6 mois à l'avance! Sans dire que j'avais d'attente. J'avais hâte de voir ce que ça allait être comme événement. Les quelques déceptions que pour avoir eues, c'était le fait que il faisait beaucoup... la promotion, que c'était très libre, on pouvait stage-diver autant qu'on voulait. En tant que tel, quand il n'y a pas de gardien de sécurité, pas de clôture, en général, tu peux, à moins que vraiment le Ben, ça l'énerve. Ou sinon, qu'il y avait beaucoup d'invitations à se costumer, quelque chose d'un peu carnaval. Ça me rappelle plus les Gloufesses, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde avec des capines de toutou. Mais moi, là, c'était assez tranquille. Et même que pour les stage-dive, ça, je m'en souviendrai toujours, c'était peu nombreux et peu de gens, surtout pour retenir. Fait que t'avais beau comme t'es lancé, ça devient un peu difficile si personne te supporte, tout simplement. C'est juste comme sauter, boing, puis là, tu retombes sur tes pieds parce que t'as lancé à plat ventre, c'était juste comme impossible. Je m'en souviendrai toujours parce qu'il y avait un gars qui portait un t-shirt de Gigi Allen, puis qui a vraiment pas voulu se porter. Lui, il s'est tassé carrément. Il était comme, non, moi, je participe pas. Puis je me suis dit, comment tu fais pour être aussi anti... rock, anti-crowd, et porter un t-shirt de Gigi Allen. Je sais pas comment il aurait réagi lui-même à un spectacle de Gigi Allen. Fait, bref, je l'ai trouvé comme très contradictoire. Il m'aura toujours fasciné, ce gars dans la crowd. Mais autrement, énormément d'espace. Oui, le pit était comme prémédité. Il était toujours omniprésent, comme à l'entracte ou durant les groupes. Il était immense et immensément vide, étant donné le nombre de participants, mais la grandeur qui y était accordée. Alors, c'est Ouais, c'est un peu ce souvenir-là que je garde parce que j'avais beau être heureuse puis oui, à vouloir trasher pour Trap Them, il y avait comme cette espèce de distance-là avec les gens qui avaient été relativement difficiles. Mais j'ai gardé quand même un souvenir très humain de ce festival-là et particulièrement de la prestation en allant au le merveilleux stand à t-shirt avec les vinyles puis les CD. Alors, je m'en vais acquérir, de jolies acquisitions, et c'est le chanteur lui-même qui vend la marchandise. Et étant donné mon anglais, pas toujours facile. Fait qu'au lieu de baragouiner n'importe quoi, tout ce que je me souviens, c'est que je l'avais trouvé tellement charmant parce qu'il est intense. Je gâche un punch tout de suite, cher auditeur, mais il se tapoche comme le micro dans le front. Il a tout le temps des gales d'en face, mais étant donné qu'il répète toujours les mêmes actions de spectacle en spectacle, ben il réouvre ses gales, fait il saigne, il est intense. C'est vraiment, il est chaotique dans sa prestation. Mais il est beau à voir, c'est omnibulant parce que il arrête jamais, il est inarrêtable, carrément, c'est fou le voir. Et quand j'étais là devant lui, tout ce que j'étais capable de faire devant le kiosque à t-shirt, c'est un mime, tu sais, de cœur avec des doigts. J'étais comme, je t'aime beaucoup, c'était très beau. Je trouve ça très contradictoire comme d'être autant comme « Oh, le petit château, il saigne, mais il est tellement adorable, il est tellement intense! » Et ouais, par rapport à la brutalité point de sa performance. Fait que c'est un peu ça. Il est égal à lui-même à chaque spectacle. Mais, mon Dieu, je pense que je vais te mettre tout de suite la musique, mais tu vas deviner qu'est-ce qui lui est arrivé par rapport à mes choix musicaux. Ça, c'est très drôle. Regarde ses pieds, les pieds sur terre. Ça, c'est chanté par Aman Tani, mais juste avant Portage. Thank you. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu du nouveau stock de Mantania. Alors, cette chanson qui date de 2014, les deux pieds, non, juste les pieds sur terre de leur album Les Grandes Nocturnes. Et c'était juste avant Portage et la chanson Regardez ses pieds. Je vous ai dit que je vous laissais attendre voir que c'est que c'était bien cassé. Ben oui, c'est ses pieds. Alors, juste pour bien être clair, le chanteur de Trap Dem, dernièrement, le 15 octobre dernier, à un festival aux Pays-Bas, ben, il a décidé de sauter, ben, en tout cas, il a essayé de sauter sur l'enceinte et il était penché, puis bref, ça s'est pas passé pantoute. Il s'est cassé les deux pieds sur scène et il s'est aussi fendu, non, il s'est ouvert l'arcade du sourcil. Bref, il était magané rare et il a pas terminé. Plutôt, c'est l'inverse, il a pas terminé le spectacle abruptement, là, tu sais, il a continué, bref, vous avez compris, chers auditeurs, le gars, il est inarrêtable, c'est ce que j'ai dit. Et là, en plus, c'était le début de la tournée, et on fait, ah, mon Dieu, que se passe-t-il? Non, lui, il continue, il a fait toutes les dates, et pour cette tournée-ci, c'était pas mal tout le mois de novembre pour continent américain de notre coin d'ici. Il y avait juste une date au Québec, reste que, ouais, c'était un peu, comment ça va se passer? Parce que quand tu te pètes les deux pieds, nécessairement, tu ne donnes plus la même performance que tu donnes d'habitude, celle qui était chaotique, qui saigne, qui... Ça, hein, dans l'automutilation, là, il est juste comme chaotique, là, je pourrais pas avoir d'autres mots, là. Il est débordant d'énergie et c'est intense et c'est beau le voir, mais en même temps, effectivement, autant se blesser... Je suis tombée sur un article dernièrement. Il datait un peu, mais reste que... J'espère que c'est pas son cas. Ben, il y a certains médecins qui ont des doutes que peut-être il serait un candidat parfait à, attention, l'encéphalatopathie traumatique chronique. Là, j'espère l'avoir bien dit, mais c'est surtout une maladie dégénérative qu'on associe plus à des boxeurs qui se font tout le temps péter la tête et plus rarement à des chanteurs de musique brutale. Fait qu'on l'espère pas parce que quand même, c'est une grosse maladie qui emprunte en effet des comportements dépressifs ou juste des pertes de mémoire ou de la démence! Ah! C'est pas rien! Des fois, je me sentais un peu mal ou coupable en tant que moi, que fan du groupe ou spectatrice qui adore leur performance, tu te dis « C'est beau, mais à quel prix? » Et en même temps, il fait pas juste pour le spectacle, il fait pas juste pour la crowd. Visiblement, il le fait aussi pour lui, parce que c'est comme ça qu'il est sur scène. Il y a tellement une attraction particulière à ce que ça nous apporte sur scène, l'adrénaline. C'est clair que quand il se tape dessus, il y a jamais aussi mal que si t'essayais de te donner un coup dans la vie de tous les jours, tout simplement pour, ouais, toute l'attraction qu'il y a sur scène, l'énergie, mais surtout, ouais, la force de l'adrénaline qui amoindrit les douleurs. Fait que pour tout ça, oui, il y avait une certaine attente par rapport au spectacle de Trap Dem, parce que comment il va faire le spectacle avec pas de pied? Il a seulement qu'il a fait des spectacles assis. Bon, c'est à suivre. Fait qu'on va continuer en musique avec un groupe que je ne connaissais pas et on va le découvrir tout ensemble parce que c'est la première fois que je vous le diffuse. C'est Ultra Démon sort. Ultra Démon sur les ondes de la marge avec la chanson Sort. Vous écoutez Critique de Crowd. Après les publicités, Turbo House, Je t'en jase, Dark Circle, Yodja, Trap Dem, puis plein d'autres magies. Je te le jure, il y a même un concours. Fait que reste là, à tout de suite. L'omnium du rock mis au jeu est de retour cette semaine avec les 16 groupes qui ont réussi à se tailler une place en deuxième ronde de la plus importante compétition de Ben au Québec. Ne manquez pas cette semaine les quarts de finale de l'événement rock de l'année. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi aux Catacombes. Visitez le omniumduroc.tv pour voir la programmation complète. L'omnium du rock mis au jeu, une présentation de CISM en collaboration avec Lorne & McQuaid et le studio La Case. Jeudi le 24 novembre, dans le cadre des sessions live, CISM présente Antoine Corriveau en direct du Vin Bouteille. Normalement réalisé dans les studios de la station et donc non accessible au public, les sessions live s'installent le temps d'une semaine au Vin Bouteille. C'est votre chance d'enfin assister à une des émissions phares de La Marge et de voir gratuitement une prestation d'Antoine Corriveau qui sera bonifiée d'une autre vue. Le 24 novembre, à 19h, au Vin Bouteille, c'est un rendez-vous. Une part de nous restera debout et ne bougera pas. Salut les sportifs! L'Abreuvoir est fier de vous présenter tous les matchs des Canadiens avec nos soirées de hockey, les soirées lancées Kunta! Avec en plus un tout nouveau menu pour les fins palais, le retour de nos fameuses ailes de poulet, 10 ailes pour 5$, des pichets de bière à 12,75$, des entractes animés par nul autre que moi-même, Michel Kunta, prix à gagner, shooters gratuits, bière gratuite. Écoutez, que la saison aille bien ou qu'elle aille mal, ne vous inquiétez pas, parce que L'Abreuvoir et moi, on sera toujours là avec nos soirées de hockey. C'est un rendez-vous! L'Abreuvoir, bar et terrasse, 403 rue Ontario-Est à Montréal. Le sommet Saint-Sauveur offre sa passe étudiante à seulement 74,75 par mois sur une période de 4 mois. Tu vas avoir accès à toutes les stations du groupe Les Sommets, du Rockstar MSS Snowpark et même au parc des glissades sur tube. En plus, le sommet Saint-Sauveur propose le calendrier événementiel le plus branché de l'industrie. Juste 74,75 par mois pour la passe étudiante du Sommet Saint-Sauveur, la seule passe qui t'en offre autant. Achat en ligne sur sommet.com. Laissez-vous envoûter et voyez Bacha Bevat en spectacle dans un univers aux frontières du folk et de la pop. Bacha Bevat en concert à la salle André Mathieu le 2 décembre prochain. Réservez dès maintenant au salleandrematthieu.com ou au 450-667-2040. Salut, c'est Saratoga. Salut, c'est Saratoga. Vous écoutez CISM 89.3. La marge. Vous écoutez CISM 89.3 FM. We'll be right back. travailler de Duchess 16 de leur nouvel album Science Nouvelle. Vous écoutez Critique de Crowd sur les ondes de CISM là 89.3 FM, et tout plein de foule partout tout le temps et tout plein de suggestions. Vous les avez entendus dans les publicités, on sent la convergence. Antoine Corriveau, je te le suggère parce que vous allez passer un bon moment bien posé au Quai des Brumes. Non, pantoute sur verre bouteille. Ah, trompe-toi pas à cause de moi, trompe-toi pas. Fait que vos verres bouteille. Ben, en plus, CISM va être là, ça va être bien le fun. Je n'y serai pas, mais allez-y. Je suis vraiment triste parce que je suis pas libre avant 8h ce soir. C'est pour cette raison que je serai probablement, justement, au Quai des Brumes, parce que c'est le lancement de Lesbo Vrouvren, et ils seront accompagnés de Elisa et Victime vendredi, et je dirais aussi samedi. Je serai aussi au Coach Fest, je te le suggère, parce que c'est dans mon coin. C'est au studio Rouen, et ouais, c'est la première fois que j'entends parler de spectacle, déjà en partant là-bas. Ce n'est pas que des locaux de musique, ou peut-être ce sera des spectacles dans les locaux de musique. C'est à suivre! Mais sinon, il y aura New Chou Félin, il y aura La Forêt Rouge, Pop Goes, Les Martyrs de Marde. Je suis assez curieuse de leur prestation. Il va y avoir Fukushima, Crab, Maxime Gervais. Je sens qu'il y aura de l'humour et qu'il y aura beaucoup de folie. Alors, voilà. Sinon, vendredi, il y a aussi The King Kang, le barbecue show. Ça a l'air qu'ils font aussi d'excellents spectacles et je les ai toujours pas vus. Fait que n'hésitez pas, hein, crowd, cher auditeur de CISM, c'est d'avoir des spectacles, puis vous allez trouver ça malade. Tu peux envoyer tes commentaires à Critique de Crowd sur les internets, dont Facebook. Et King Can, c'est au Ritz PDB. Samedi, ben là, je viens de le dire, là, viens au Coche-Fest, là, fait que, ouais, viens dans Schlaga. Et sinon, il y a aussi le Balclan Gypsy Party au Divan Orange. Dimanche, je ne fais aucune mention de spectacle parce que je crois que tous les musiciens seront occupés à être au Gamic. Alors, ça se passe au Lion d'Or. Alors, petit break de musique puisqu'ils sont, ils seront en attente d'avoir de beaux prix. On vous le souhaite tous. Vous êtes tous bons, vous êtes tous beaux. Lundi! Il se passe rien. Mardi, c'est Animal as Leaders que j'ai vu à Ivé Montréal. Fait que si t'es métalleux, mais t'aimes ça tranquille, tu risques d'être comblé. C'est au Théâtre Corona. Et finalement, mercredi, lancement d'album pour le Prince Michkin. C'est au Ritz PDB, encore une fois. Elle est populaire comme place. Et on lui souhaite bien du bonheur à ce prince. Hey! Tu te dis peut-être. Jolene a fait souvent des liens avec ses tunes. Puis là, tu sais, elle a pas dit pourquoi elle a mis Duchesse 16. Tout simplement parce que dans ma face, j'ai un merveilleux vinyle de Science Nouvelle. Fait que si tu le veux, je te le donne. Je te le donne si t'appelles au 514-343-2476. Tu fais ça direct là pour un beau vinyle. Et sinon, on va écouter les chansons du palmarès Yoko Feu et Vapeur. Sensation fait oublier plaisir à s'en absorber. sentir. Nos oreilles bourdonnent, c'est peut-être le tonnerre ou la bombe éclair qu'on vient de faire sauter. Compteur de vitesse, ils s'en viennent, nous talonnent, les guépés rouges, la montagne, les nuages, notre chance de survie. De leur voiture nous ont pris par surprise, ça s'arrête à l'instant. Leurs fusils pointus s'enfoncent dans nos coups, à tout prix résister, va falloir sauter. Ça finit de même. Alors, vous avez entendu du Yoko Feu avec Exil et vous avez aussi entendu du Vapeur avec la chanson L'Aquarium. Les chansons se retrouvent côte à côte, passant en 26e et 27e, peuvent pas trouver de pas avoir la même, du palmarès francophone de CISM pour toutes ben d'autres belles musiques. C'est CISM893.ca. Et je félicite aussi Carl. Bravo, tu auras de belles musiques dans tes oreilles parce que tu écoutes CISM sur souvent parce que t'appelles puis t'as le numéro et aussi parce que t'as gagné le merveilleux album de Duchesse 16. Alors, vous écoutez Critique de Crowd, vous l'écoutez toujours encore en ce moment. Et avant les publicités, je vous jasais de Trap Dem, des frasques du chanteur qui saigne et qui se passe bien des choses. Et j'ai aussi mentionné que ce spectacle se déroulait au Turbo House. J'avais toujours pas fait de critique là-bas et pour être bien, bien franc, j'étais toujours pas allée. Et même Turbo House, pour ceux qui sont des bons habitués de la scène montréalaise, dans son grand sens, ben oui, elle a existé deux fois Turbo House. Alors, avant, c'était proche du Centre Bell, et je crois que c'était aussi leur locaux de pratique qui pouvait accueillir à peu près 120 personnes. Alors, c'était un très beau lieu, mais étant donné, ça me fait un peu penser un peu à la situation aussi de la passe, fermeture de place. Bon, cette fois-ci, ce n'était pas la moisissure, mais plutôt peut-être la construction de condos et aussi le très triste décès du chanteur de Trigger Effect, parce que Trigger Effect et ceux qui s'occupent du Turbo House, oui, ont amené bien des événements dramatiques en même temps, mais quand cela ne tienne nul, ça va tout simplement renaître de ses cendres tel un phénix. Alors, ça fait un an depuis le 19 mai dernier que le Turbo House maintenant existe dans le quartier Saint-Henri, effectivement. J'étais comme au Saint-Henri, parce qu'il y a aussi sur la rue Saint-Henri et coin Notre-Dame. C'est un lieu assez particulier parce que c'est une ancienne banque. Oui, ça a été construit en 1904 par la famille Molson, puis ils voulaient leur propre banque. Bon, ça, c'est un moment particulier et je suis pas historienne. Enfin, je fais juste comme qu'est-ce particulier. Et sinon, le premier étage est occupé par aussi un restaurant, le Loïc. Et au deuxième, il y a le Turbo House qui est coquet. Et vraiment un très, très beau lieu. C'est niaiseux, mais même pas une question pour moi de... Oui, j'accuse souvent la distance. Ah, la salle est loin. Ah, oh, crowd, tu m'invites à voir des shows à Laval puis Longueuil. Là, je vais loin, mais à quel point? Mais cette fois-ci, je trouvais que le parcours en autobus était fort agréable. Je sais pas si le conducteur était sympathique, mais j'ai trouvé... j'ai trouvé la ride le fun. C'est fou comment humainement ça peut changer l'expérience. J'aurais pu bouder dans mon coin et me dire « Ah, c'est loin, c'est Henri de Schlag. » J'étais comme « Ah non, c'est drôle, je m'amuse. » Fait que oui, ça a été une très belle rencontre. Déjà pour le lieu en partant, heureuse de le découvrir. Et évidemment, c'était impossible pour moi de parler du Turbo House sans mettre une chanson de Trigger Effect. Alors on va écouter « Secrac » d'Yari Day. Voyons, lecteur CD, il y a de la misère cette semaine, mes excuses. Voyons, bâtard. Ah ouais? Je voudrais vous dire des blagues en attendant, mais ça se passera pas. Donnez-moi 2 secondes. Ah! Du direct, vous venez d'entendre finalement Trigger Effect, la chanson Secret, Yuri D.I. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd, bien en direct des studios de CISM. Ah, que... les joies d'animer en direct, vraiment. Sinon, mais j'étais en pleine critique de Crowd. Oui, Turbo House, tu es là, tu es beau. Mais, j'ai dit en début d'émission que je n'ai pas vu Hashed Out parce que j'étais occupée et il jouait à 8h pile, mais pile de chez pile. Là, j'étais arrivée peut-être à 8h30, 9h, puis c'était terminé. Et pour mes habitudes, oui, je suis retardataire, mais par défaut que tout commence toujours plus tard chez les rockers. Fac, t'as l'habitude d'arriver en retard pour être à l'heure. Enfin, c'est un cercle vicieux, mais cette fois-ci, j'ai eu tort. Mais j'avais aussi une très, très bonne raison. J'étais au Salon du Livre. Alors, c'est beau. Ah, être entouré de crowd, de papier, mais aussi de crowd de gens, on va le dire. C'est quand même bien peuplé de crowd, le Salon du Livre, tant par ses auteurs, tant par les distributeurs, et autant que les lecteurs. C'est rare qu'on peut croiser les gens qui lisent des livres et qui les écrivent en même temps. Je crois que c'est bien le charme du Salon du Livre. Et sans faire une critique de crowd de l'événement, personnellement, il m'est arrivé un moment un peu louche. J'étais à côté de la file d'attente de la séance de signature de Patrick Sénécal et elle était longue. Je crois que les plus longues files d'attente, c'est quoi? C'est une centaine de personnes au salon. Oui, c'est quand même assez nombreux. Je pourrais pas dire à quelle vitesse tu signes plus vite, là. Je veux dire, tu veux passer du temps de qualité. Parce qu'effectivement, il y a du monde qui attend. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir en me demandant si j'étais Patrick Sénécal. Malaise. Ah, mais, c'est niaiseux, sur le coup, je me suis dit, j'aurais dû dire oui, puis signer son livre. En plus, il vient de gagner du temps, le gars. Ça, c'est vrai. Je veux dire, tant qu'à me le demander, il m'a dit oui. Mais c'est niaiseux. Ça m'a tellement pris sa question que j'ai été incapable de compter une joke. Ça m'a pris de court. Ben, je me suis dit, ben, voyons, pourquoi il me demande pourquoi je suis Patrick Sénécal comme ça. Ben, je veux dire, physiquement, et me semble qu'on se ressemble pas tant. Et non, ça, non, non. J'ai juste répondu non, bêtement, tandis qu'il aurait pu arriver une anecdote de crowd tout à fait merveilleux. Je suis passée à côté. Hélas, je ne suis pas Patrick Sénécal. Fait, étant donné que je suis pas lui, mais que j'étais quand même au Salon du Livre, ça fait en sorte que j'ai pas vu Hashed parce que ça finissait à 8 heures. Fait que, fin de l'anecdote, oui, ça fait en sorte que je n'ai pas vu Hashed que la dernière fois que je les ai vus, c'était dans de drôles de circonstances, parce que c'était durant même pour Montréal. Je dis drôle parce qu'il y avait New qui avait... Ouais, c'était pas mal le seul autre band hardcore, parce qu'après ça, c'était juste du rap ou la musique électro. Et oui, ils jouaient avec Vince et Posters. Et pour se remémorer ce moment incroyable où on mélange du hardcore puis du hip-hop, ben je vais passer Joke puis Ken Lo. Les cochons ensemble, va soulever des cochons ensemble. Voir Solon des poumons ensemble, baisse le rap français dans son ensemble. Et ta français, je lui fais sa fête, nique sa grand-mère le 14 juillet. Négro pour enculer, Marianne vaut juste tes papiers pour s'essuyer. Négro, si tu veux compter de la monnaie, passe moins de temps à compter tes heures. Que le rap pourrisse dans son cercueil, le prince lui fera porter des fleurs. Envoie ta chagade avec des cœurs, avec l'argent, la vie c'est meilleur. On t'aide à devenir un beau cadavre si tu es un mauvais payeur. Si elle aime pas le rap, Marie, la rila, le rap va me payer ma vie. Villa, villa, cigarillo, vanilla, lila. Sur la moula, na, bila, bila. Bila, bila, j'ai bon fond, walaï, bila, bila. Terroriste au cristal, parce que je vais faire péter le cristal. On est sur les nerfs. On n'aime pas ça. On efface la tête. On n'aime pas ça. Nique les paramètres. Négros sont là. Négros sont là, mais négros sont là. Négros sont là. MTP, y'a rien qui bouge. J'fais du sale pour mes négros. MTP, y'a rien qui bouge. J'fais du sale pour mes négros. MTP, y'a rien qui bouge. J'fais du sale pour mes négros. MTP, y'a rien qui bouge. J'fais du sale pour mes négros. J'déçois pas les tantines. J'compte toujours mes centimes. On fait nos bails sans filet, sans fille, sans téléphone, sans fil. Le prof d'histoire m'a menti. Ta pétasse t'a menti. J'te dirais bien que j'cracherais pas dessus, mais gros, j'veux pas mentir. Non, j'garantis à vie, mais ma vie n'est pas garantie. J'te laisse passer devant, j'démate ton cul, j'encule la galanterie. C'est qu'une question de temps, j'enlève le lent, transforme ça en gâterie. Car Kelly pisse sur une Marseillaise en vent de la batterie. moi si tu payes en 4. T'auras sûrement pas de reçu. Les bâtards jouent de la flûte, les putes vont s'asseoir dessus. Plus virulent que le sida, pilote de l'île d'Al-Qaïda. Encore plus sombre que Dark Vador, le père du fils Arachid Aïda. On n'aime pas ça, on n'est pas ça, tête. On n'aime pas ça, nique les paramètres. Les gros sont là, les gros sont là, mais les gros sont là. MTP y'a rien qui bouge, j'fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, j'fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, j'fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, j'fais du sale pour mes négros. Majeur en l'air, majeur en l'air, majeur en l'air. Fucking bone and fucking bachelor out. Bachelor out. All come see fucking bone and fucking bachelor out. All come see the old bone, they just fucking bachelor out. Come see fucking bone and fucking bachelor out. Come see fucking bone and fucking bachelor out. All come see the old bone, they just fucking back at la maison, my nigga. All come see fucking bone and fucking bachelor out. I'll come see fucking plays and they just back so like mine. Fuck it, I'll come see don't bad face on just la présence d'une femme. We still young, mon gars call me, c'est encore le cobaye en ligne pour le live. D'autres stocks ont dropé, c'est d'autres jeunes braves ont pris la relève déjà, mais là malgré tout c'est bon d'être à nouveau sur le high. Quand j'passe par le j'prends une pause devant le ruisseau pour mon patin doing time. Et ça fait un bout qui est rentré, y'avait pas encore sorti le dab. Me, Donald Trump, me la joke des nouveaux Adidas, hush like. Ayo, ayo, temps pas long, ça va être fini, pis il va être out. Fucking presque exactement une demi-année, ce si il se tient relax. So le pourra dire, oh c'est fucking bon, les back sur la house. Back sur la house. Oh comme c'est fucking bon, les fucking back sur la house. Oh comme c'est donc bon, baby, fucking back sur la house. Comme c'est fucking bon, les fucking back sur la house. Oh comme c'est fucking bon, les fucking back sur la house. All come see don't bone, they just fucking back at la maison, my nigga. T'sais, all come see fucking bone, just fucking back sur la aisle. Quoi de bon aïe quand c'est l'époque du truck et pas d'aide. Push up tous les jours, la porte du cœur stop a flag. Elle fucking Joe arrive clean, c'est ta bae, il va pas en ligne, school a ouvre les grilles. Oh shit, what a thing, clack down lips, c'est ta face. Retournez voir les petits amours, être là, le regard est shine. J'veux dire nos bijoux de famille sont fucking pas nos bags. Après tout, peu importe, le de retour peint, pam pam pam, et même pas perdu comme ça devrait. Tu seras pas le premier, la gang à pour la rue des bras. Écoute-moi donc là, là, oh, comme si fucking bon, et j'fucking back sur la aisle. Oh, comme si fucking bon, et j'fucking back sur la aisle. Oh, comme si donc bon, d'être j'fucking back à la maison, mon nigga. Oh, comme si fucking bon, et j'fucking back sur la aisle. Comme si fucking bon, et j'fucking back sur la aisle. Comme si fucking bon, et j'fucking back sur la aisle. Oh, comme si donc bon day, j'suis fucking back à la maison, my nigga. Oh, comme si fucking bon, j'suis fucking back sur la aisle. La vie, la vie. Thank you. Avenue, une nouvelle chanson, parce que son album est nouveau, L'Enjeu de Ken Lo. Et vous avez aussi entendu un remix de Vince, Majeur en l'air, c'est une reprise de la chanson de Joke. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd sur les ondes de CISM. Et je suis arrivée, Dark Circles. Tant qu'on en parlait de ce merveilleux groupe montréalais, autant en écouter, extrait. Sous cette tonne de briques qui te tombent comme spectateur, j'aimerais ça te spécifier, cher auditeur de CISM, deux choses. Ben, je te l'ai dit que le Turbo House, c'était coquet, mais c'est très, très coquet. Vraiment, c'est propre, c'est très propre, c'est très beau. Il y a de la tapisserie, des petites lumières au plafond, un beau rideau rouge en velours. Fait que, oui, ça, c'est le pire dans tout ça, c'est que ça détonnait zéro avec les groupes, étant donné que tous les murs sont peinturés en noir, sauf ceux qui ont de la tapisserie, mais la tapisserie est comme en velours et en noir. Fait que, ouais, je trouve qu'il y a quelque chose de, ouais, de bien confortable là-dedans. C'était douillet comme sale. C'est très petit aussi. Et il y a le... Ça, c'est niaiseux. Il y a le facteur olfactif parce que j'ai dit qu'il y avait un restaurant en dessous puis je suis certaine que je l'ai senti tout le long. Ça sentait l'aigre roule. Ça sentait gros sucré. Ça sentait gros... ça sentait bon. C'est niaiseux parce que tu te dis, ça c'est pas supposé avoir un rapport avec la crowd puis le spectacle, le fait que ça me donne faim. Je sais pas, j'ai eu peur que ça me donne un peu moins d'énergie sérieusement pour Trap Dam, juste le fait d'avoir faim, tu te dis, ben il me semble que j'ai pas envie comme de perdre l'énergie, j'ai envie de manger. Fait que c'était, ouais, cette étrange opposition-là, mais autrement, je pense pas que ça fasse de différence. Mais, pour la tapisserie, je vous le dis, Dark Circles, il jouait tellement fort, moi j'étais appuyée contre le mur, la tapisserie shakeait. Je te niaise pas. Genre, le petit velours là, de la tapisserie, je le sentais frémir. Et même mes pieds, c'est comme s'il y avait des petites fourmis. Tu sais, comme quand tes pieds sont engourdis, là, même affaire. Je sais, je trouve... Ouais, j'ai été impressionnée pour les décibels, complètement. Ah ouais, ça, c'est sûr. Ça... Tu bougeais sans vraiment chercher à bouger. Ben, autrement, dans la foule, c'est encore un peu tranquille. Ça headbang pas tant que je trouve que ça faisait comme bobblehead, là. Tu sais, comme bang, bang, bang. Tu sais, la petite tête qui rebondit avec un spring. À peu près ça, parce que c'est petit comme mouvement. Pas si grand. Et pas, ouais, peut-être pas tant assumé non plus encore à ce stade-ci de la soirée. T'es encore de bonne heure. Mais, il y a une belle gang de tripeux. Je sais, je les ai déjà vus à d'autres spectacles, justement, de grindcore à la passe. Ouais, des tripeux de grindcore qui aiment ça un petit peu comme ça bardasse un peu. Un peu beaucoup. Fait que là, je dis un peu parce que là, on est au début de la soirée. Mais on le voit que eux autres, la technique est différente. Quand ils se sont installés en avant, ce n'était pas des petits hochements de tête, mais on a bien affaire à un mouvement qui allait de la tête aux pieds. Une bonne intensité de headbang. Alors, ça présageait le meilleur pour la suite de la soirée. Et on va continuer tout de suite en musique pour le fun, parce que je les aime, de Rodeo Idiot Engine avec la chanson « Je me noirai ». Je me noirai. Je me noierai de Rodeo Idiot Engine sur les ondes de la marge. Non, il n'était pas au spectacle. Ça, ouais, ça aurait quasiment pu fêter. Là. C'est plutôt Yodja. J'espère que je le prononce bien. Yodja? Yodja. Bref, c'était eux qui étaient en tournée avec Trap Dem. Et oui, extrait encore. Allons-y. Ah, pour ce joli groupe de Nashville, c'est surtout la qualité de la prestation, la technicalité. Je l'ai vraiment ressenti et je l'ai surtout entendu à la fin de leur prestation. Des gens dans la salle qui ont capoté, là, comme ils disent, mais quelle qualité, quelle prestation. Et j'avais même le mot impeccable. Et c'est là que je trouve ça beau, oui, d'avoir eu les oreilles attentives au bon moment dans la crowd, parce que, oui, là, l'énergie commence à monter. Question headbang, vraiment une rangée qui s'installe, qui est flamboyant de tous ces cheveux qui vont dans tous les sens. Autant, physiquement, tu sais, que ça se vit, là, qu'il y a une puissance. Mais que ce soit pas simplement... que ce soit tout simplement physique comme appréciation, que ce soit juste être là. Non, il y a vraiment les deux parties de crowd que, oui, il y a une part de toi qui veut triper, puis en même temps qui est très attentif à ce qui se passe sur scène, la prestation. Et c'est quand même, c'est quand même particulier parce que sauf pour Trap Dem, je veux dire, pour les groupes que j'ai vus, ils étaient souvent placés de côté, voire même le premier groupe que j'ai vu, le bassiste c'était complètement de dos. Fait que non, ce n'est pas un endroit où on est dans vraiment le spectaculaire, mais vraiment dans l'intensité. Et là-dessus, je pense aussi que, étant donné la crowd qui était des très grands amateurs du genre, je pense qu'il y a quelque chose où groupe et amateur sont sur la même longueur d'onde. Fait qu'il y a vraiment une harmonie là-dedans qui se passe dans la foule, puis c'est surtout ça qui est beau. Hey, on est rendu à Trap Dem, puis j'ai envie de vous en faire écouter tout de suite de leur plus récent album, Hellionaire's Crown Feral. Trap Them sur les ondes de CISM. Et j'avoue que je suis pas de celle dans les spectacles qui, je trouve que ça sonne très bien, ou quel son exécrable. Souvent, je sais pas, ça me dérange pas. Ouais, je pense que c'est le meilleur mot. Ça me dérange pas vraiment. La qualité peut être des fois de boîte, puis je vais être heureuse quand même. Mais cette fois-ci, c'est incroyable la qualité de son. J'avais l'impression que c'était, oui, pareil que l'album, mais dans le bon sens du terme, comme ça sonnait aussi bien, c'était tout aussi beau. Et question d'énergie, comme je vous ai mentionné en début d'émission, le chanteur qui s'est cassé les deux pieds, ben oui, physiquement, nécessairement, il peut pas s'énerver de la même manière, mettons. Mais ça ne change tellement rien à sa voix, à l'intensité qu'il met. C'est fou. C'est complètement fou. Et pour, bon, sûrement, vous, là, vous posez la question, mais Jolene, si, il s'est cassé les deux pieds, comment ça se passe? Ben, il joue à genoux. Pas des jokes! Il a passé tout le spectacle à genoux. Fait que, j'avoue que la scène n'est pas très haute au Turbo Hall. C'est comme 20 cm. Plus un gars à genoux. Mettons qu'il s'était loin dans le crowd. Ça se peut que tu l'aies jamais vu de la soirée. Ouais, je ris parce que c'est pas drôle ce qui est arrivé, quoique ben, c'est un accident que lui-même s'est mis dans le trouble. Là. C'est comme quand tu vas dans le mosh pit et tu te fais mal. Ben, t'assumes parce que t'as été dans le mosh pit. Tout le monde va s'entendre là-dessus. Mais quand même, quel guerrier de la musique de continuer comme ça en tournée, de faire tous les spectacles avec autant de... avec la même rigueur parce qu'il est autant intense, il est autant... Oui, c'est comme s'il était un animal en cage, parce qu'il était à genoux, mais tu vois toute l'agressivité, toute l'intensité. J'ai dit trois fois le mot intense, là, déjà, je le suis en vous le disant, là, mais je dis intense, c'est comme, tu le regardes, c'est attractif, c'est fou comment ça change rien à sa prestance scénique. Oui, comme ce charisme-là. Je sais, charisme, peut-être qu'on l'associe on pourrait l'associer étrangement, justement, à ce genre de musique-là, mais c'en est! Parce que tu le regardes tout le long et c'est incroyable. Le groupe, c'est pour de vrai, c'était beau. C'était vraiment, vraiment beau. Oui, j'aime le groupe, mais sincèrement, là, tout le monde était dans le même mood, dans la crowd. À dire que c'était un beau moment. La salle est petite, c'était intime, contrairement au théâtre TELUS où c'était grand, distant. Là, les gens étaient vraiment venus pour eux autres. On sentait, oui, l'amour. Parce qu'on aime le groupe, parce que c'est trop d'émotions, tout en même temps. Puis en plus, c'est tout contenu dans ce corps à genoux. Fait que... oui, beaucoup de différentes intensités en même temps. Oui, vraiment. Vraiment. Puis dans la crowd, au départ, c'est-tu pris comme un petit moment avant que ça commence où j'ai quasiment eu un doute? Mais non! Ah non, non! Ça varge dans le tas! Et un très beau pit, quand même, varié dans la technique, tout en n'en ayant pas. Personnellement, tu sais, il me semble, à un moment donné, comme je voulais passer d'un côté à l'autre, là, j'ai dû juste l'avoir l'air d'une patate. Parce que là, je fonçais, j'ai « Ah! » Mais là, mettons que tu essaies de foncer sur quelqu'un qui fait le double de ton poids, ben, t'as juste l'impression de finalement comme le contourner. Là, je suis comme « Ok, j'ai perdu! » Mais en explorant justement le pit que plus ou moins un grand nombre de participants qui faisaient justement beaucoup d'espace à l'intérieur du pit, même s'il était petit, c'est ouais, ça donnait pas le genre de trash là où t'es comme collé à tout le monde, tu partages la sueur à tout le monde. Non, il y a du terrain de jeu. Même que question mixité des danses, il y a le trash un peu désordonné, chaotique, mais plus loin dans la foule, il y a deux mocheurs et oui, je pense que la soirée pouvait porter à ça, mais en général quand il y a du monde qui décide de donner des coups là en moulinet là, ça prend de la place. Puis ça monopolise d'habitude le pit. Puis là, ça n'a pas été le cas. Il était, oui, plus reculé. Il était juste deux. Oui, t'aurais pu recevoir leur coup de poing en face, là. Question distance et sécurité. Mettons que, c'était chaotique aussi dans cet aspect-là. On s'en foutait un peu. Et je pense aussi, quand je dis tout le monde était sur la même longueur d'onde ou dans le même mood, ben il y a ça. On connaît les codes, ce qui fait en sorte que les gens y acceptent. Tu sais, en tout cas, moi, j'ai accepté de... Tu sais, tu peux recevoir un petit coup sur le nez, tu peux recevoir... mon Dieu, j'ai reçu un coup dans le cou! Ça, c'est quand même intense dans la vie, tu sais, faut pas que ça te coupe le souffle, mais t'es comme, OK, d'habitude, j'avais une pomme d'Adam, genre, j'aurais réalisé que j'en aurais... que j'en aurais une. Fait que ouais, ça, c'est toujours un peu inattendu, ça peut être un peu désagréable, mais on n'a fait jamais un cas comme dans d'autres genres musicaux où on ferait comme « que se passe-t-il? » Non, là, c'est correct. Et je dois... Petite parenthèse, c'était correct aussi parce que moi, mon voisin de crowd, il a décidé de garder son manteau tout le long de la soirée. Fait qu'il avait beau s'agiter puis s'énerver, ça changeait pas grand-chose dans mon cas parce que même si on recevait un coup, c'était mou. C'était un manteau de... Ah! C'était mou! Fait que oui, je suis quand même contente qu'il y ait eu de la neige de bonheur cette année parce que ouais, ça a permis d'amortir les chocs. Hey, tantôt, je vous ai parlé de la rangée de Headbanger et ça va être encore le cas. Et j'ai l'impression que ça a aussi modifié... l'énergie dans la foule, que le fait que la scène est basse, il y a une rangée de headbangers qui vont être là du début à la fin. Et aussi pour être proche du chanteur qui a pas vraiment bougé de la soirée. Fait que, oui, ça faisait en sorte comme des ronds-morts. Et comme le monde des trash s'énerve, le monde headbang, perd l'équilibre parce qu'ils sont tous ensemble. Vraiment très tenus, là, ensemble. Pas bras dessus, mais presque, oui, ils se retenaient ensemble. Parce que c'était si facile de tomber, étant donné les mouvements qui venaient d'un peu partout et le fait que la scène soit basse. Autrement, on pourrait s'accouder, on pourrait se tenir, ouais, de façon à avoir une bonne retenue. Mais là, c'était impossible. Fait qu'on était encore plus fragilisé dans la première rangée de la crowd. Ah oui, c'était un méchant défi, sincèrement. C'était un défi. Ah oui. Mais je l'ai trouvé ça encore plus... encore plus intéressant. Je trouvais que ça donnait une énergie inattendue et supplémentaire. Quoi, il y a une fille, je sais pas... J'avais l'impression qu'elle était restée pas mal tout le show en avant, puis à un moment donné, elle s'est mise à genoux, elle, avec. J'avoue que c'était la meilleure solution. Parce que, ben, quoi qu'en même temps, tu sais, t'es petit, puis il y a quelqu'un qui pourrait te sauter quasiment par-dessus, là. Ça... Ouais, on espère pas que tu te casses la margoulette parce que tu voulais être un peu plus confortable. Mais ouais, il y en a qui se le sont permis parce que autrement, c'est vrai que t'avais le move Jello tout le long du spectacle pour garder ton équilibre. Et j'ai parlé de saut. Il y a à deux reprises quelqu'un qui a essayé de, ouais, vraiment essayé, entre guillemets, de stage dive. Il était comme sur le moniteur puis il a fait un saut. Ouais, ça c'était pas le c'était peut-être pas le mouvement le plus réussi de la soirée. Encore une fois, je crois que c'est juste dû à la hauteur de la scène. Ouais, ça limite un peu là. Même si tu souhaiterais de tout ton cœur faire un stage dive, je crois que c'est comme à l'ESCO, vraiment c'est la même hauteur que la scène à l'ESCO. Tu pourrais vouloir, mais physiquement, ben c'est peu réalisable, c'est ouais. C'est ainsi. Et le spectacle s'est terminé quand même assez de bonne heure, ou peut-être est-ce dans mes habitudes, parce que 11h32, le spectacle était terminé, même le rappel. Mais ça change rien. Mais même que je trouve ça agréable, des shows de bonne heure, mais ça me fait longtemps que j'avais pas vu ça. Je vais voir trop souvent des shows dans des bars, c'est ça que ça veut dire. Mais autrement, vraiment une excellente soirée où tout le monde déjà... Ouais, j'allais dire communier, mais c'est pas religieux, là. C'est juste comme tout le monde était ensemble. Et ouais, c'était très, très, très beau, la crowd. Un beau moment, une belle salle, tout ça ensemble. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de parfait là-dedans. Ouais! Ben, c'est ça qui est drôle pour ces circonstances-ci avec Trap Dem, étant donné que le chanteur est blessé, il aurait pu être encore plus énervé, aller dans la foule. Oui, il a ressaigné de la face parce que, je vous l'ai dit, il ouvre tout le temps ses gales, là, parce qu'il s'en donne des coups, mais il a plein de gales, fait qu'il réouvre, c'est sans fin. Fait que oui, ça aurait pu être encore plus spectaculaire comme performance, mais c'est comme si c'est pas grave, sa façon d'être et de faire sur scène était là de toute façon, peu importe ce qu'il aurait fait. Et je trouve que c'est là aussi qu'on voit la qualité d'un chanteur puis d'un interprète dans ce cas-là. Parce que oui, il était comme plus que blessé, mais pour moi, ça a vraiment rien changé. Et ouais, c'est pour ça que je trouve ça aussi incroyable comme spectacle. Alors voilà, là c'est le moment où je me sens... Souvent, je fais des liens avec les tunes. Là, je trouve que ça va détonner musicalement, mais c'est pas grave. Je vous dis que, je vous l'ai dit, j'ai trouvé ça parfait. Fait qu'on va écouter parfait. Gasoline. Tu ne peux